إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue inshallah notre explication de al-usul al-thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est toujours dans la première al-asl al-thani wa huwa ma'rifatu din al-islam bil adilla, la connaissance de l'islam avec ses preuves. Et on est dans ad-darajat al-thaniya, deuxième degré, et c'est le degré de, ou bien le premier degré, pardon, c'est le degré de l'islam. Et on a expliqué donc les piliers, on est arrivé maintenant dalil al-hajj, la preuve du hajj. Donc on est rendu à dalil al-hajj, le cinquième pilier de l'islam, qui est al-hajj, donc les preuves de l'obligation du hajj. C'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné le verset 97 dans Sourate Al-Imran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes de faire le hajj vers Al-Bayt, c'est-à-dire vers la Kaaba, la maison que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de construire avec son fils Ismaïl, et il a ordonné donc de faire ça pour celui qui en a la capacité, celui qui en a les moyens. Et quiconque renie ou rejette, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes rani. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit qu'il est rani an al-alamin? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut bien se passer de l'univers. Hein? Il est riche. Et il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Et tout a besoin de lui. Le Cheikh, il dit, ادعى اليهود انهم مسلمون وانهم على دين ابراهيم فامتحنهم الله جل وعلا في هذه الايه وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن كنتم مسلمين فحجوا لأن الله فرض حج البيت على المسلمين فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دونك الشيخ Al-Fawzan, hafizahullah, il dit que les juifs ont prétendu être musulmans, c'est-à-dire ils ont prétendu être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont prétendu être sur la religion d'Ibrahim. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a mis à l'épreuve et les a testés dans ce verset. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux hommes qu'ils fassent le hajj à cette maison qui est la Kaaba, à Mecca, pour celui qui en a les capacités de le faire, celui qui a les moyens. Et quiconque rejette la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut certes se passer du monde entier, Hein? Il se suffit à lui-même, il est riche. Il n'a pas besoin de l'univers tout entier. Donc si vous êtes réellement musulman, alors faites le hajj. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de faire le hajj. À ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de faire le hajj. Et si vous ne faites pas le hajj et que vous refusez de le faire, hein, vous refusez de faire le pèlerinage, alors ça c'est une preuve que vous n'êtes pas musulman. Et c'est une preuve que vous n'êtes pas sur la religion d'Abraham. Et quiconque rejette la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut certes se passer de l'univers tout entier. وللله أي هذا فرض وحق وواجب لله على الناس. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وللله, c'est-à-dire ça c'est une obligation, c'est un droit que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux hommes, que quelqu'un doit faire cette chose-là qui est une chose obligatoire envers Allah subhanahu wa ta'ala. حج البيت, حج معناه في اللغة القصد. Donc le cheikh il explique que dans la langue arabe, dans la signification linguistique du mot hajj, c'est en arabe al-qasd. Al-qasd ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intention. Al-qasd ça veut dire l'intention. Et dans le sens religieux, le cheikh il dit al-hajj shar'an qasdul bayt ou qasdul ka'ba al-musharrafa wal-mashari' al-muqaddasa fi waqtin makhsusin لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. Ça c'est la définition religieuse selon la charia. Qu'est-ce que signifie le hajj? Il a donné une définition de qu'est-ce que c'est le hajj, et ces définitions-là on les retrouve habituellement dans les livres de fiqh. Vous allez trouver dans les livres de fiqh, lorsqu'on explique un des principes ou un des piliers de l'islam, que ce soit la tahara, la salat, la zakat, le hajj, somme ou n'importe quel, on donne la définition linguistique et après on donne la définition religieuse pour être capable de déterminer qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est dans la religion. Donc le hajj dans la religion c'est quoi? Linguistiquement on a dit que c'est l'intention, al-qasd, hein, de prendre cette chose-là comme un but ou comme un objectif. C'est ça que ça veut dire al-qasd. Et religieusement ça veut dire de vouloir se diriger ou d'avoir l'intention de s'en aller vers la Kaaba al-Musharrafa et vers les endroits saints, les endroits qui ont été désignés par Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir certaines adorations spécifiques dans un temps spécifique. Parce que le hajj, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment de l'année. On ne peut pas faire le hajj à n'importe quel moment de l'année. C'est uniquement dans les jours de Dhul-Hijjah qui ont été désignés par Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut faire le hajj. Et c'est pas n'importe quelle ibadat non plus, c'est des ibadat spécifiques, particulières qu'on doit faire. Hein? Et dans un endroit spécifique, on peut pas faire le hajj n'importe où. On peut pas le faire le hajj, par exemple, en Palestine, on peut pas faire le hajj. En Chine, on peut pas faire le hajj. Dans d'autres pays, malheureusement, on voit que dans certains pays musulmans, des gens font le hajj à autre que la Kaaba. Ils font le hajj à des tombes. Ils font des pèlerinages à des tombeaux d'hommes pieux et de saints. Hein? Et ils vont les adorer en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk. Et parfois, dans certains pays qui sont des pays musulmans, les gens vont faire des hajjs à une tombe et ils pensent que ça, c'est un petit hajj. Hein? Al-hajj al-sarir. Et ça, bien entendu, ça rentre dans le shirk. Hein? Donc ça, c'est pour cette raison que les ulama, ils ont spécifié dans cette définition du hajj que c'est ça qui est le hajj selon la charia. Le hajj, c'est celui qui est fait vers la Kaaba et vers les endroits qui ont été désignés par Allah lorsqu'on fait le hajj. Comme par exemple, d'aller à Mina pour un certain nombre de temps, et d'aller à Muzdalifa, d'aller à Arafah. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Al-hajj Arafah ». Hein, d'aller à Arafat et ainsi de suite. Donc c'est des rituels spécifiques aussi. Donc tout ça c'est pour expliquer qu'est-ce que ça signifie le hajj. Hajjul bayt ay al-Ka'ba wa ma hawlaha min al-mashaa'ir tabi'un laha Donc, Hijjul Bayt, c'est-à-dire d'avoir l'intention de s'en aller vers cette maison. C'est quoi cette maison? C'est la Kaaba. La Kaaba qui a été bâtie par Ibrahim et son fils Ismaïl. Et également les endroits qui entourent cette maison, comme qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, Mina et Muzdalifa et Arafa, et ainsi de suite. Man istata'a ilayhi sabila. Donc ici le cheikh il va expliquer quels sont les moyens et la capacité qui est nécessaire pour que le hajj soit obligatoire pour quelqu'un. Hein, parce que c'est une condition. Donc, le cheikh il dit hada bayan shart al-wujub wa huwa al-istita'atu al-badaniyya wal-istita'atu al-maliyya والاستطاعه البدنيه بان يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده الى مكه في اي مكان من الارض وهي هذه البدنيه ويخرج العاجز عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم فهذا ليس عنده استطاعه بدنيه فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه أو ينيب من يحج عنه حجة الإسلام أو حجة الإسلام. Le Cheikh explique ici que le Hajj, pour celui qui en a la capacité, quand on dit qu'il en est la capacité, c'est-à-dire que c'est une condition pour que ce soit obligatoire. Si cette condition n'est pas présente, le hajj n'est pas obligatoire pour quelqu'un. Si cette condition n'est pas présente, le hajj n'est pas obligatoire pour quelqu'un. Donc, la première, il y a deux formes de capacité ou d'avoir le moyen ou la capacité, c'est de deux points de vue. Le premier, c'est le point de vue physique. Et le deuxième, c'est d'avoir la capacité sur le plan économique. D'accord? Donc c'est ces deux points de vue-là qui sont pris en considération par rapport à l'obligation pour le hajj. La première capacité, c'est celle qui est physique. Que la personne ait la capacité de marcher, ou de monter sur une monture, ou de se déplacer de son pays vers Mecca, peu importe de quel endroit elle est sur terre. Donc si elle a cette capacité de se déplacer, alors dans ce cas-là, ça c'est calculé comme faisant partie de la capacité physique. Parmi les gens qui sont exclus de cette condition-là, de cette capacité physique-là, il y a les personnes qui sont handicapées, d'un handicap permanent ou d'une maladie ou d'un âge très avancé qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de se déplacer et qu'ils ne sont pas capables de supporter le voyage. Donc ces gens-là sont excusés. Ces gens-là sont excusés parce qu'ils n'ont pas la capacité physique de faire le hajj. Dans ces cas-là, ce genre de personnes doivent désigner quelqu'un qui va faire le hajj à leur place. Lorsqu'on parle bien entendu du hajj de l'islam, c'est-à-dire le hajj obligatoire qui est une fois dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas la capacité physique, tu désignes quelqu'un qui va aller faire le hajj à ta place. Hein? Et tu vas lui donner l'argent, par exemple si tu as la capacité financière, tu lui donnes l'argent pour qu'il aille le faire à ta place. Parce que toi tu n'es pas capable de le faire. أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله الراحلة أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة كل وقت بحسبه ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه أو يمطيه لأداء الحج وأيضا الزاد ويكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا ولمن يمونهم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم فالزاد معناه أن يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمون من أولاده ووالديه وزوجته وكل من تلزمه نفقته، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون إن كان عليه ديون، ويكون هذا المال فاضلا بعد سداد الديون. فإذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيل الزاد والراحلة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Donc le cheikh explique maintenant la capacité économique, et c'est une autre condition pour que le hajj soit obligatoire. Et on sait que le hajj, il s'en vient bientôt, c'est dans 2 mois, inshallah environ. Donc c'est bien de se rappeler de ces conditions-là pour justement se préparer, parce que parfois les gens ont avec eux la capacité physique et la capacité économique, et ils n'ont aucune excuse, et malgré cela ils retardent le hajj chaque année, et ils disent je vais le faire l'année prochaine, ou je vais le faire dans l'année d'après, ou l'année d'après, ou l'année d'après. Et ça c'est quelque chose qui est très très grave et très dangereux, parce que personne d'entre nous on peut être garanti de vivre l'année prochaine. Et si on a la capacité cette année de le faire et qu'on le fait pas, il n'y a pas de doute qu'il y a là-dedans une négligence et un péché. Surtout si on prend en considération le fait que certains musulmans prennent leur argent pour aller en voyage chaque année dans leur pays d'origine ou bien des choses de ce genre, mais ils retardent le hajj, alors que le hajj est une obligation. Et certains ont pris l'habitude de penser que le hajj c'est seulement pour les personnes âgées et que c'est seulement les vieux qui font le hajj. Pourquoi? Parce que dans le passé peut-être que c'était très difficile ou plus difficile, et que les gens prenaient beaucoup de temps pour ramasser la somme d'argent nécessaire pour être capable d'aller le faire, et ils se disaient donc qu'ils le faisaient à un âge très avancé. Aujourd'hui, les gens ont plus de moyens et c'est plus facile. Donc si quelqu'un il est jeune et qu'il a la capacité de le faire, alors qu'il le fasse. Il n'a pas d'excuse de le retarder sans raison. D'accord? Et ensuite, donc l'explication qu'on a lue en arabe, maintenant en français on va l'expliquer. Le cheikh il dit, en ce qui concerne la capacité économique, c'est le fait d'avoir la monture qui va te permettre de te déplacer d'un endroit à l'autre. Soit par exemple une voiture, ou bien une monture comme les gens utilisaient avant, les chameaux, les mules, ou des choses de ce genre. Ça aussi ça fait partie des moyens de transport. Même si aujourd'hui les gens ont développé des moyens qui sont plus rapides, comme la voiture et l'avion et le bateau. Donc ça c'est chacun selon, bien entendu, sa capacité. Et aussi chacun selon l'époque aussi. Et aussi selon, par rapport à l'argent qu'il a aussi, qui lui permet par exemple de se payer justement le transport qu'il a besoin pour aller faire le hajj. S'il n'a pas le moyen de payer le billet d'avion et qu'il est capable de payer un autre moyen qui est moins cher, par exemple, supposons qu'il habite pas trop loin de la Mecque et qu'il y a une possibilité d'aller en autobus voyageur, comme il y a des frères qui partent en autobus voyageur faire le hajj, hein, s'ils sont par exemple en Turquie ou en Égypte ou ailleurs, ils vont pas faire le hajj en avion, ils vont faire en autobus. Ça coûte moins cher. S'ils n'ont pas les moyens, par exemple, en avion, ils peuvent aussi aller en bateau parfois. Certains pays ne sont pas loin, ils peuvent aller par bateau. Et donc, chacun selon sa capacité. Il y en a qui partent en voiture, il y en a qui n'ont pas le choix de prendre l'avion. Donc, comme les gens, par exemple, ici au Canada, aux États-Unis, on n'a pas le choix de prendre l'avion parce qu'il faut traverser l'océan. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Bon, donc c'est par rapport à l'argent, il faut avoir cet argent-là. Et en plus de ça, il faut aussi avoir ta provision. Lorsque tu pars en voyage, l'argent que tu as besoin pour te nourrir toi-même pendant ton aller et pour ton retour, jusqu'à ton retour. Donc tout ce que tu as besoin comme provision pour partir. Et non seulement tu dois avoir de l'argent pour toi-même, durant ton voyage, pour te nourrir et tout, tu dois également avoir l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille durant ton absence. Donc, il faut que tu sois capable de donner à ta famille durant ton absence la nourriture qu'ils ont de besoin et toutes les choses qu'ils ont besoin comme dépenses ou autres durant ton absence. Que ce soit pour les dépenses pour tes enfants, tes parents ou ton épouse ou les gens qui sont sous ta charge. Donc tu dois leur fournir l'argent nécessaire. Et en plus de ça, lorsque tu pars en voyage aussi, tu dois essayer de régler toutes tes dettes avant de partir. Et qu'est-ce qui reste en surplus? C'est avec cet argent-là que tu vas partir faire ton hajj. Et donc, ça c'est le chemin, hein, c'est ça stabil, c'est ça la capacité, les moyens que tu as pour pouvoir le faire. Donc, en ce qui concerne la subsistance et la nourriture que tu dois laisser et l'argent que tu dois laisser à ta famille, à l'époque, auparavant, les gens faisaient le voyage parfois à pied même, des fois ils partaient en chameau ou des choses comme ça, ça prenait plusieurs mois pour aller, plusieurs mois pour revenir. Donc, les gens ils devaient avoir de l'argent pour laisser à leur famille en leur absence. Aujourd'hui, des fois, le voyage, tu vois, des gens partent pour le hajj maintenant, ils prennent 2 semaines de vacances dans leur travail, ils partent et ils reviennent 2 semaines après. C'est vraiment moins long qu'auparavant, puis moins difficile d'une certaine façon. Donc, c'est plus, disons que d'un côté, c'est plus cher parce qu'il y a les dépenses pour l'avion et autres, mais d'un autre côté, on gagne aussi sur le temps. Donc, puisque ça prend moins de temps maintenant pour organiser les voyages et tout. Toutefois, en ce qui concerne les dettes, si quelqu'un, par exemple, il a des dettes et qu'il va partir en voyage, avant les gens... étant donné qu'il partait ce voyage-là, même encore aujourd'hui, on ne sait pas si on va revenir, parce qu'on ne sait pas la mort quand elle va venir. Donc, c'est mieux de régler tes dettes avant de partir. Toutefois, si quelqu'un il a une dette à un délai qui reste encore et qu'il demande la permission à la personne à qui il a cette dette et que cette personne-là lui donne la permission, alors dans ce cas-là, ce sera permis quand même pour lui de partir faire son hajj, même s'il a cette dette-là. Toutefois, si il n'a pas la permission de la personne à qui il a cette dette, il ne doit pas y aller. Parce que l'argent avec lequel il va faire le hajj, dans ce cas-là, s'il doit remettre cet argent-là, c'est pas son argent à lui. C'est l'argent à la personne à qui il a cette dette. Hein? Et souvent les gens posent cette question, donc c'est important de le mentionner. Donc, comme le cheikh l'a mentionné dans le hadith rapporté selon Ibn Abbas par At-Tirmidhi et Ibn Majah, et également par Ibn Omar, ou selon Ibn Omar, qui explique que Man istata'a ilayhi sabila, as-sabila c'est Azad wa rahila. Azad, c'est la provision. Et rahila, c'est le moyen de transport. Hein? Ensuite, le cheikh dit, wa man lam yastati', ay man laysa 'indahu zad wa la rahila, fa laysa 'alayhi hajj. Li'annahu mustati'un. Fa shartu wujub al-hajj huwa al-istita'ah. Donc ici il y a un point ici que le cheikh il mentionne, il dit celui qui n'a pas la capacité, c'est-à-dire qui n'a pas de provision et qui n'a pas de moyen de transport, alors il n'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. S'il n'a pas ces deux moyens-là, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj parce qu'il n'a pas la capacité. Et la condition pour que ce soit obligatoire, la condition pour que le hajj soit obligatoire, c'est la capacité. Il y a un autre point aussi qui est important à mentionner au sujet de cette condition, c'est la question par rapport à la femme musulmane qui veut faire le hajj. Et souvent dans des situations comme ici en Amérique du Nord ou en Europe, il y a beaucoup de sœurs qui sont converties à l'islam, elles n'ont pas de maharim, elles n'ont pas de tuteur, elles n'ont pas de wali. Et donc, parfois, elles demandent quoi faire ou comment faire. Et les ulama, ils ont expliqué que si la femme n'a pas de wali pour faire son pèlerinage, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour elle de le faire. C'est pas obligatoire pour elle de le faire. C'est obligatoire pour elle de le faire lorsqu'elle a son wali. Hein? Ensuite, le cheikh il dit: ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق ويحتاج إلى مؤنة وفيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة وما زاد عليها فهو تطوع وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث لم يجبه على المسلم كل سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه أكل سنة يا رسول الله فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة واحدة أو الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع وهذا من رحمة الله. Donc le cheikh il explique que le hajj, étant donné que les gens viennent de très loin pour faire le hajj, hein, il vient des régions profondes, très éloignées, et ainsi de suite, et que ça nécessite beaucoup de dépenses, et ainsi de suite, et de la fatigue et de la difficulté, et que ça implique ou ça comprend beaucoup de dangers qui peuvent se produire durant ce voyage. Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de tout ça, il a fait que le hajj soit obligatoire une seule fois durant la vie. Une seule fois durant la vie. Et si quelqu'un veut accomplir le hajj plus qu'une seule fois durant sa vie, alors dans ce cas-là, c'est considéré comme une forme de supplément ou d'acte surérogatoire ou supplémentaire que quelqu'un fait. Donc, c'est comme si il rajoute quelque chose de, surérogatoire, un hajj surérogatoire, s'il veut faire plus qu'un seul hajj. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il ne l'a pas rendu obligatoire aux musulmans à chaque année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il dit dans un hadith: Allah certes a rendu pour vous le hajj obligatoire, alors faites le hajj. Alors Al-Aqra ibn Habis, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va? Masha'Allah. Barakallahu fiqh. Donc Al-Aqra ibn Habis radiyallahu anhu, il a dit: à kul sana, est-ce que c'est chaque année que c'est obligatoire au messager d'Allah? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu, n'a pas répondu. L'homme a répété sa question encore une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, n'a pas répondu. Puis l'homme a répété encore une troisième fois sa question. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je répondais oui, alors ça deviendrait obligatoire et vous ne seriez pas capable de le faire. Yani, subhanallah, imaginez si c'était obligatoire chaque année le hajj pour tous les musulmans sur la terre en même temps, ce serait pas possible, hein? Et donc c'est pour cette raison là qu'il a dit: si je répondais oui, alors ce serait obligatoire et vous n'aurez pas été capable. Alors le hajj c'est une seule fois, hein? Une seule fois pour celui qui en a la capacité, et si vous en faites plus, alors c'est tatawwu', c'est-à-dire c'est quelque chose que vous faites de vous-même, hein, volontairement. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad et Abu Dawud et An-Nasa'i. C'est un hadith rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc Ici aussi, il y a une notion, il y a un point important que les ulama mentionnent parfois à ce sujet, c'est du fait de ne pas poser trop de questions dans la religion et de se limiter aux questions qui sont vraiment nécessaires et utiles pour nous et de ne pas commencer à poser trop de questions. Et le fait de poser trop de questions comme ça, on voit que ça peut ramener des conséquences très dangereuses même. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, si j'avais répondu oui, ça allait être obligatoire. Hein? Donc, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que qu'est-ce qui a fait périr les peuples avant vous? C'est, parmi les exemples, c'est la quantité de questions qu'ils ont posées à leur prophète. Ils posaient trop de questions. كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Donc ça fait partie des exemples. قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنِ الْحَجِّ وَهُوَ يَقْدِرُ وَلَمْ يَحُجْ فَإِنَّهُ كَافِرٌ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ أَيْ من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر قد يكون كفرا أصغر فمن تركه جاحدا لوجوبه فهذا كفر أكبر بإجماع المسلمين أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر ولكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج من تركته لأنه دين عليه لله عز وجل وهذه الآية فيها وجوب الحج وهو ركن من أركان الإسلام فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر الشيخ الزكاء الله سبحانه وتعالى الزي dans ce verset à la suite que quiconque rejette la foi donc Allah est certes hein? Il n'a certes aucun besoin de l'univers, ou il peut bien se passer de tout ce qui est dans l'univers. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Hein? Et ça, c'est une preuve que quiconque refuse de faire le hajj, alors qu'il en a la capacité, et qu'il ne fait pas son hajj, alors il est kafir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ كَفَرَ C'est-à-dire, et celui qui refuse de faire le hajj, alors qu'il en a la capacité. Alors celui-là, il a commis un acte de kufr. C'est possible que ce soit un kufr mineur, kufrun asrar. Donc, ça se peut que ce soit un kufr mineur, mais celui qui l'abandonne en niant son obligation, ça c'est un kufr majeur, selon le consensus de tous les musulmans. En ce qui concerne celui qui reconnaît l'obligation du hajj, mais qui l'abandonne par paresse ou par négligence, celui-là, ça c'est un kufr asrar, c'est un kufr mineur. Et s'il meurt, et qu'il a laissé des biens, alors on doit prendre de l'argent qu'il a laissé de son héritage pour faire le hajj avec. Parce que c'est une dette qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce verset-là, donc, c'est la preuve de l'obligation du hajj. Et ici, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'on vient de traduire maintenant? Ça vient nous expliquer la gravité du fait de négliger de faire le hajj, alors qu'on a la capacité économique et la capacité physique. Chaque année, on le retarde. Hein? Donc, qu'est-ce que dit cheikh Al-Fawzan ici? C'est pour nous faire comprendre le danger de retarder le hajj alors qu'on n'a pas d'excuse. Ensuite, le cheikh il dit que ce verset donc, c'est un verset qui prouve l'obligation du hajj, et le hajj est un des piliers parmi les cinq piliers de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Il a expliqué que c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam dans le hadith de Jibril et dans le hadith de Ibn Omar, qui est le deuxième hadith dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Hein? Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite le cheikh dit « وَقَدْ فُرِضَ الْحَجْ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ » على قول. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. الشيخ explique que le Hajj il a été rendu obligatoire à l'an 9 de la Hijra, selon une position, selon une parole des ulama. Et il n'a pas fait le Hajj lui-même cette année-là, c'est-à-dire la 9e année, il n'a pas fait le Hajj lui-même. Il a seulement fait le Hajj à la 10e année. Pourquoi? Parce que à la 9e année, il a envoyé Ali radiallahu anhu. Et yani, j'avais lu ailleurs une fois qu'il avait envoyé aussi Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, mais bon, il faudrait juste confirmer ou vérifier qu'il a envoyé Ali radiallahu anhu pour dire aux gens pendant la période de Hajj que après cette année, aucun mushrik ne va faire le Hajj et personne ne pourra faire le tawaf sans vêtements ou nus, hein, comme les mushrikines avaient l'habitude de le faire. Donc si quelqu'un allait faire le Hajj l'année d'après, il ne pouvait pas être mushrik. Et s'il le faisait, il ne pouvait pas le faire nu, hein, sans faire le Hajj sans ses vêtements. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu. Donc lorsqu'il a interdit les mushrikoun et les gens qui marchent nus de faire le Hajj l'année d'après, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a fait le Hajj qu'on appelle Hajj al-Wada', le Hajj de l'adieu, hein? Et donc c'est comme si il a purifié le Hajj avant de le faire lui-même, hein, pour que la maison soit purifiée. Exactement. Et non, dans les premiers versets de Surat Tawbah qui parle de ça. Bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizi Allah wa anna Allah mukhzi al-kafirin wa adhanun min Allah wa rasulih, yani ila akhir al-ayat. Donc dans l'introduction de Surat Tawbah, il y a l'explication justement du fait que Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue, hein, des mushrikins justement de les appeler à de leur faire savoir que l'année d'après ils ne pourront plus faire le Hajj nu et que le mushrikin ne pourront plus faire le Hajj l'année d'après. Bon, là avec ça, ça vient conclure le premier degré de la religion, c'est-à-dire al-islam. Maintenant, on va rentrer dans l'explication de al-iman, le deuxième degré de la religion. Donc, al-martabatu thaniya al-iman. Ta'rifu al-iman. Al-martabatu thaniya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah. A'laha imatatu al-adha 'an at-tariq. A'laha قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc le degré de la foi, c'est le deuxième degré de la religion et il est composé de 70 et quelques branches. La plus haute d'entre ces branches, c'est de dire لا إله إلا الله, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et la plus basse d'entre les branches, c'est d'enlever une nuisance qui nuit sur le chemin. Et la pudeur ou la timidité fait partie d'une branche de la foi. Donc ça, c'est basé sur un hadith Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence donc l'explication du deuxième degré de la religion en citant cette explication-là pour expliquer qu'est-ce que c'est la foi. Cheikh Al-Fawzan, il dit « فَالْإِيمَانْ أَعَمُّ مِنَ الْإِسْلَامِ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. Donc pour commencer, le cheikh il explique que la foi, l'iman en arabe, c'est plus général que l'islam. L'iman أعم من الإسلام. Donc il dit la foi c'est plus général que l'islam parce que tout croyant est musulman. Mais ce n'est pas tout musulman qui est croyant. Donc, la foi, elle est plus générale par rapport à elle-même, mais elle est plus spécifique par rapport aux gens qui font partie de la foi. Elle est plus générale par rapport à elle-même, mais elle est plus spécifique par rapport à ceux qui en font partie, ou ceux qui font partie de ceux qui la possèdent. الإيمان في اللغة التصديق قال تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. Donc le cheikh il nous explique maintenant la définition linguistique et la définition religieuse du mot iman. Dans la langue arabe, al-iman ça veut dire at-tasdiq. At-tasdiq ça veut dire de reconnaître la véracité de quelque chose, de dire que oui, c'est vrai. Hein? C'est ça, at-tasdiq. Quand je dis, par exemple, cette chose est vraie, ça veut dire que tu crois en cette chose. Tu reconnais sa véracité. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe, le fait de faire ça, ça s'appelle tasdiq, en arabe. Et l'exemple de l'utilisation dans le Coran, l'utilisation linguistique du terme mu'min dans le sens du mot ou dans le sens de tasdiq, c'est dans le verset 17 dans sourate Yusuf. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les paroles des frères de Yusuf alayhi salam lorsqu'ils disent à leur père wa ma anta bi mu'minin lana. C'est-à-dire, tu vas pas nous croire, hein? Tu vas pas croire en ce qu'on te dit. Ça, c'est l'utilisation du terme iman ou mu'min selon la définition linguistique. Donc, quand Allah dit wa ma anta bi mu'minin lana, ça veut dire bi musaddiqin lana, hein? Maintenant, la signification ou la définition religieuse de l'Iman, c'est quoi? Le Cheikh, il dit « Amma l'Iman fi shara, fa huwa kama fassarahu ahlus sunnah wal jama'a, qawlun bil lisan, wa atiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih, yazidu bil ta'a, wa yanqusu bil ma'asiyah. » Ça, c'est la définition de la foi selon les explications des gens, des ulama d'Ahl Sunnah, d'après les preuves du Coran et de la Sunnah. Donc, c'est quoi la définition de la foi, l'Iman, selon la religion? C'est comme les ulama d'Ahl Sunnah l'ont défini. C'est une parole de la langue. Ça, c'est la définition, ça. Une parole de la langue. Une croyance du cœur. Une action du corps. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec le péché. Ça, c'est la définition de la foi. C'est ces éléments qu'on vient de mentionner comprennent ou signifient ou désignent la foi, qu'est-ce que c'est, la réalité de la foi. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 5 petites phrases qui définissent qu'est-ce que c'est la foi. 5 éléments qui définissent qu'est-ce que c'est la réalité de la foi dans l'islam. Donc, la foi, c'est quoi? C'est pas une seule chose. La foi, c'est ces choses-là réunies. Une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Donc la foi, c'est pas juste une parole de la langue, c'est tout, non. Et c'est pas juste une croyance du cœur, et c'est pas juste une action avec le corps, c'est toutes ces choses-là réunies. Et c'est pas une chose qui est statique, qui bouge pas, qui est stable ou fixe. Non, c'est quelque chose qui est constamment en changement ou en mouvement. Elle augmente et elle diminue selon les actions de la personne et selon les paroles de la personne, selon sa foi, en fait, selon ses actions. Hein? Plus tu fais du bien, plus ta foi augmente, plus tu désobéis à Allah, plus ta foi diminue. Hein? Et il y a donc, il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des gens de bid'ah, parmi les gens d'égarement, qui ont dévié dans cette compréhension de la foi. Ils n'ont pas compris la foi selon les preuves qui sont établies dans le Coran et dans la Sunna. Ils ont compris la foi selon la définition linguistique seulement. Et ils se sont basés seulement sur la définition linguistique et sur la philosophie pour essayer de définir qu'est-ce que c'est la foi. Donc ils ont commencé à faire des débats philosophiques sur qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est la réalité de la foi, et ils se basent juste sur la langue et les dictionnaires pour essayer de connaître la foi. Alors que la foi, c'est quelque chose qui a rapport avec la religion, et elle doit être basée donc sur la révélation. Et pour connaître sa réalité, il faut retourner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour savoir ce que cette foi-là représente en réalité. Ensuite, le cheikh dit « وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية لأن الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية والإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. » Donc ça, c'est un point important que le cheikh il explique justement pour éviter qu'on tombe dans l'erreur des gens de bid'ah au sujet de la foi. Il dit que l'explication qu'on vient de donner de la foi, c'est une explication qui est basée sur une réalité législative, ou une réalité qui est basée sur la législation ou la révélation divine. Parce que les réalités sont de trois catégories. Il y a la réalité linguistique, il y a la réalité religieuse et il y a la réalité commune ou basée sur la coutume, tradition. Ces trois choses-là sont des réalités qu'on emploie ou qu'on utilise selon les différents contextes. Par exemple, la foi, avant que le Coran soit révélé, le mot iman, il existait dans la langue arabe et les arabes l'utilisaient ou l'employaient pour désigner certaines choses. D'accord? Sauf que les arabes, avant l'islam, ils ne connaissaient pas la réalité de la charia, puisque la charia n'était pas encore révélée. Donc pour eux, ça se limitait à une réalité linguistique. Et pour eux, dans la langue, dans leur utilisation de ce mot dans leur langue, le mot iman signifiait tasdiq. D'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala par les paroles qu'il a mentionnées et par son exemple, on a su que le mot iman maintenant avait été, disons, expliqué par des choses qui sont supplémentaires ou bien qui venaient rajouter à la signification linguistique ou à la réalité linguistique une autre signification de plus pour la rendre plus claire. C'est pas n'importe quelle foi, c'est une foi spécifique qui est définie par la révélation. Et c'est pour ça qu'on dit que la définition qu'on a donnée de la foi, c'est une réalité religieuse basée sur la révélation. et non pas uniquement basé sur la signification linguistique ou la réalité linguistique. Donc tout ça pour expliquer ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a les Mourji'a qui ont dévié dans cette question-là, à cause du fait qu'ils n'ont pas distingué entre la définition linguistique et la définition religieuse. فتفسير الإيمان بهذا التفسير, donc le fait de définir la foi de cette façon et de l'expliquer de cette manière, c'est la réalité religieuse. Hein? Et la foi, elle a été déplacée de cette signification linguistique vers la signification religieuse. فالإيمان قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان واعتقاد بالقلب لا بد أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Donc le cheikh il explique que la foi, donc c'est une parole de la langue. Ça c'est la première chose qu'on a mentionnée dans la définition de la foi. Une parole de la langue, ça veut dire qu'il faut absolument que quelqu'un prononce « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Ce n'est pas suffisant juste de croire avec le cœur. Il faut absolument que cette parole-là soit prononcée avec la langue. Bien entendu, pour quelqu'un qui a la capacité de parler, si quelqu'un est muet et qu'il ne peut pas parler, eh bien dans ce cas-là, bien sûr, il est excusé de devoir le prononcer. Il doit juste dans ce cas-là se limiter à y croire et l'affirmer par les moyens qu'il est capable, par lesquels il est capable. Toutefois, s'il a la capacité de parler, il n'est pas excusé. S'il est capable de le prononcer, il doit absolument le prononcer. Sinon, seulement de dire « je crois avec le cœur » sans vouloir prononcer cette foi, ça ne compte pas. Et s'il fait juste dire qu'il croit dans le cœur, hein, comme le cheikh il dit ici, ou bien s'il le dit avec sa langue mais il n'y croit pas dans son cœur, ça c'est la situation contraire, et bien dans ce cas-là, la même chose, il est comme semblable aux hypocrites. C'est la foi des hypocrites qui disent avec leur langue qu'est-ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ce qu'il dit avec la langue, il faut qu'il y croie avec le cœur. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils disent avec la langue ce qui n'est pas dans leur cœur, ça c'est le verset 11 dans Surat al-Fath. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب بل لا بد من العمل بالجوارح أيضا لا بد من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات ويتجنب المحرمات كل هذا من الإيمان يفعل الطاعات ويتجنب المحرمات وكل هذا من الإيمان وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله ولكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان ومنها ما هو مكملات للإيمان. Donc le cheikh il dit c'est pas suffisant juste de le dire avec la langue et de croire avec le cœur, il faut aussi absolument faire les actions avec le corps. Il faut aussi absolument faire les actions avec le corps et d'établir les obligations et de s'écarter des choses interdites et de faire les actes d'obéissance et de s'écarter des interdictions. Tout ça, ça fait partie de la foi. Et c'est avec cette définition, avec cette explication, on a compris que la foi, elle comprend toute la religion en entier. Parce que on a dit que c'est de faire qu'est-ce qui est obligatoire, et de faire les actes d'obéissance et de s'écarter de ce qui est interdit et de prononcer avec la langue et de croire avec le cœur. Donc c'est la religion en entier, sauf que tous ces actes d'obéissance et ces législations et ces ordres sont très nombreuses. Parmi ces obéissances et ces ordres et ces règles, il y en a qui font partie ou qui sont une partie de la réalité de la foi, tandis que parmi ces obligations et ces obéissances, il y en a qui sont des choses qui viennent compléter la foi. Ça veut dire qu'elles ne font pas partie de la réalité de la foi elle-même, mais ils viennent compléter la foi. Ils viennent augmenter cette foi, la renforcer cette foi, mais ils ne font pas nécessairement partie de la réalité de la foi en elle-même. Le cheikh dit ensuite, « وَالْإِيمَانُ لَهُ أَرْكَانُ وَلَهُ شُعَبُ وَقَدْ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي حَدِيثَيْنِ بَيَّنَ أَرْكَانَ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلِ وَبَيَّنَ شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ الْإِيمَانُ بِدْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَهَذَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Donc la foi, elle a des piliers et elle a des branches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans deux hadiths. Il a expliqué les piliers de l'islam dans le hadith de Jibril et il a expliqué les branches de la foi dans le hadith qu'on va expliquer dans quelques instants, qui est le hadith qui dit que la foi, elle est composée de 70 et quelques branches. Et ensuite le cheikh dit « وَالْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ إِذَا ذُكِرَ جَمِيعًا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَعْنًا » وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل في الآخر فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة ومحلها القلب ولا بد من اجتماعهما في المسلم لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان لا بد من اجتماعهما. Donc ça c'est un point important que le cheikh il mentionne, c'est que lorsqu'on mentionne le mot islam et le mot iman ensemble dans un même hadith ou dans un même verset, alors dans ce cas-là ils ont tous les deux une signification spécifique. وَإِذَا ذُكِرَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْآخَرِ. Donc, si ils sont tous les deux mentionnés séparément, alors l'un rentre dans l'autre. Un rentre dans l'autre. Donc si par exemple dans un hadith on mentionne l'islam tout seul, eh bien l'iman rentre là-dedans. Et si dans un hadith ou dans un verset on mentionne l'islam tout seul, eh bien l'iman rentre, ou bien si c'est l'islam, l'iman tout seul, l'islam rentre là-dedans. Toutefois, s'ils sont mentionnés tous les deux ensemble dans un même verset ou dans un même hadith, les deux, l'islam ou l'iman ensemble, alors dans ce cas-là, chacun, ils ont une signification spécifique. Si, le cheikh il dit, si on a mentionné les deux ensemble, alors, c'est-à-dire les deux ensemble dans un même hadith ou dans un même verset, dans ce cas-là, islam, il signifie quoi? Les actes apparents. Et al-iman va signifier quoi? Les actes intérieurs. Les actes apparents comme les cinq piliers. أشهد أن لا إله إلا الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت و يعني ça va faire partie de l'islam, les actes apparents. الإيمان comme le frère a dit, les actes intérieurs, les actes cachés, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans le cœur, comme أركان الإيمان الستة, les six piliers de la foi, et ils sont dans le cœur. Ces six piliers de la foi, cette foi, elle est dans le cœur. Donc, ça c'est si on retrouve ces deux mots dans un même texte. Hein? Et s'ils sont mentionnés ensemble, oui, donc, dans un même texte, un aura cette signification apparente et l'autre signification de qu'est-ce qui est intérieur. Ces deux-là, l'islam et l'iman, il faut absolument qu'ils se retrouvent à l'intérieur d'une personne qui est musulmane. C'est-à-dire qu'un musulman, il n'a pas le choix d'être mu'min. Et un musulman, il n'a pas le choix d'être mu'min. Et un mu'min, il n'a pas le choix d'être musulmans dans ce sens-là. Hein, parce que les deux, ça va ensemble. Mais si on parle du sens, du terme mu'min dans le sens de, disons, celui qui a augmenté sa foi et qui a fait des actes de piété très grandes, hein, ou qui a montré sa pratique très forte de l'islam et qui l'a augmenté en degré dans sa foi, dans ce cas-là, bien entendu, quelqu'un qui est musulman n'est pas nécessairement avec une foi forte, hein, mais il a les piliers de la foi, il a la base de la foi dans son cœur. S'il n'a pas la base de la foi, des six piliers de la foi dans son cœur, dans ce cas-là, c'est un munafiq, dans ce cas-là, c'est un hypocrite. Donc, le musulman, il faut qu'il soit croyant, il faut qu'il soit mu'min, qu'il établisse les piliers de la foi et qu'il établisse les piliers de l'islam. Les deux doivent être réunis. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة أو بدع وستون شعبة روايتان. قوله بدع, البدع ما بين ثلاثة إلى تسعة. وإذا قيل بدعة عشر أو بدعة عشر فهو بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر, وإذا قيل بدع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة. Donc le cheikh il explique le hadith maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam par lequel le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé sa définition de la foi. Il dit que la foi c'est 70 et quelques branches. 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches selon la narration. Bid'un en arabe, c'est un mot qui désigne un petit nombre entre 3 et 9. Donc quand tu dis bid'un, ça veut dire un nom qui est entre 3 et 9. Et si tu dis bid'at achar, c'est entre 13 et 19. Hein? Mais comme c'est employé ici dans le hadith, bid'un seulement, donc c'est entre 3 et 9. Donc c'est soit que la foi est là 73 ou 74 ou 75 ou 76 ou 77 ou 78 ou 79. C'est un nombre entre ces nombres-là. Mais il n'a pas spécifié. Donc il a laissé le nombre ouvert comme ça en disant bid'un pour dire que c'est 70 et quelques. Hein? Sans le spécifier. Donc, et shu'ba, Cheikh il dit, qawluhu shu'ba, الشعبة هي القطعة من الشيء أي أن الأركان بدع وسبعون قطعة أو جزءا. Donc الشعبة en arabe c'est une partie de quelque chose. Par exemple dans un arbre, une شعبة on dit que c'est une branche, hein? Mais si c'est autre qu'un arbre, on peut encore utiliser شعبة pour dire que c'est une partie de quelque chose. Comme par exemple en arabe, pas en arabe, en Arabie Saoudite, dans l'université islamique, il y a une branche de l'université qu'on appelle Shu'ba, Shu'ba Ta'lim al-Lugha, l'endroit où on passe avant d'apprendre l'arabe, pour apprendre l'arabe avant d'aller dans la faculté, on appelle Shu'ba. Donc c'est une branche de l'université par laquelle on doit passer avant. Donc, comme le cheikh dit, Shu'ba c'est une partie de quelque chose. Et ici, il dit ay anna al-arkan bid'un wa sab'un. Donc il dit les piliers sont 70 et quelques, c'est-à-dire des parties de la foi, c'est des parties de la foi en fait. Qawluhu a'laha ay a'la hadhihi ash-shu'ab. Qawl la ilaha illa Allah fa hiya ra's al-islam wa ra's al-iman وهي الركن الأول وهي مدخل الدين. Donc le plus haut de la foi, la plus haute branche parmi les branches de la foi, c'est de dire la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la tête de l'islam, c'est la tête de la foi et c'est le premier pilier. وهي مدخل الدين, et c'est l'entrée, c'est la porte de la religion, la ilaha illallah. Tu ne peux pas rentrer excepté par cette porte. Wa qawluhu adnaha ay akhiraha wa aqallaha. c'est-à-dire adnaha, c'est-à-dire le plus bas, le dernier, la dernière branche, la plus basse de toutes les branches. قوله إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة الأذى عن الطريق المسلوك والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات كل ما يؤذي الناس في طريقهم ووضع الأذى في الطريق محرم لأن الطريق للممار فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخطر فمثل أن يوقف سيارته في الطريق هذا من الأذى وإرسال الماء من البيت في الطريق وهذا من الأذى ووضع القمامات في الطريق وهذا من الأذى سواء كان الطريق في البلد أو في البر وضع الحجارة وضع الأخشاب وضع الحديد بطرقات الناس وحفر الحفر في طرقات الناس كل هذا من الأذى. Donc le cheikh il explique que de retirer une nuisance du chemin, de retirer une nuisance, c'est-à-dire d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin. Al-Adha en arabe, c'est toute chose qui peut nuire aux gens, que ce soit une épine, une épingle, quelque chose qui pique, que ce soit une pierre, une roche, que ce soit une saleté, des restes de choses qu'on jette, tout ce qui peut nuire aux gens sur leur chemin, sur le trottoir, dans la rue, sur le chemin, hein, les passages, les endroits où les gens marchent. De mettre des choses qui peuvent nuire dans leur passage, ça c'est quelque chose qui est haram en islam. Parce que le chemin est fait pour permettre aux gens de passer et de marcher. Donc, si tu mets quelque chose qui empêche les gens de passer ou qui les met en danger sur leur chemin, comme par exemple tu places ta voiture sur le chemin, tu bloques les gens, ou bien des choses comme ça, ça fait partie du hasard, ça fait partie de la nuisance. Ou bien tu jettes de l'eau sur le chemin de la maison, tu jettes de l'eau en bas ou dehors à l'extérieur sur le chemin des gens, ça c'est de la nuisance. Tu jettes tes poubelles ou tes déchets, tu les jettes sur le passage, ça fait partie de l'aza. Peu importe que ce soit dans la ville ou dans la campagne, hein? Ou bien tu mets des pierres sur le chemin, ou bien du bois, des morceaux de bois, ou bien du fer sur le chemin, ou des choses comme ça, ou tu creuses un trou dans le chemin où les gens passent. Tout ça, c'est des choses qui font partie de Al-Aza. Ensuite, le cheikh il dit وَإِذَا جَاءَ مُسْلِمٌ وَأَزَاحَ هَذَا الْأَذَا وَأَخْلَى الطَّرِيقَ مِنْهُ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِهِ فَوَضْعُ الْأَذَا فِي الطَّرِيقِ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ وَإِزَالَةُ الْأَذَا عَنِ الطَّرِيقِ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que lorsqu'un musulman vient et qu'il retire cette nuisance du chemin, il enlève cette chose-là du chemin, ça c'est une preuve de sa foi. Celui qui vient et qui met quelque chose sur le chemin des gens qui nuit, ça c'est une des branches parmi les branches du kufr. Donc, on voit qu'il y a des branches de la foi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il y a les branches de la foi et il y a les branches du kufr. Hein? Et il y a les branches du nifaq, de l'hypocrisie aussi. Donc tout ce qui est une branche de la foi, son contraire est une branche du kufr. Mettre quelque chose qui nuit sur le chemin, c'est du kufr. C'est une branche de kufr. De l'enlever, c'est une branche de la foi. Hein? On voit cet exemple-là. Donc, quelqu'un peut, en même temps qu'il est musulman et croyant, avoir des branches de la foi dans son arbre et avoir aussi quelques branches de kufr, sans pour autant sortir de l'islam. Ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre. Ok? Donc, ça, c'est très important. Ensuite, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْحَيَاءُ خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه. والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه فهذا حياء مذموم لأنه خجل. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite que la pudeur ou la timidité ça fait partie de la foi. C'est-à-dire que le cheikh il explique qu'est-ce que c'est al-haya en arabe, la signification dans l'islam. C'est quoi al-haya? C'est un comportement ou une caractéristique, un caractère que Allah met en une personne. C'est une caractéristique que Allah met en une personne qui pousse ou qui porte cette personne, qui amène cette personne à ce qui va l'embellir et qui va l'empêcher de faire ce qui va la salir et l'enlaidir. Donc, c'est un comportement ou une caractéristique qui te porte ou qui te pousse à faire ce qui va te faire paraître plus beau, qui va t'embellir et qui va t'empêcher de faire ce qui va te salir ou qui va te rendre laid ou t'enlaidir. C'est ça al-haya pour de vrai. Parce que la personne qui a de la pudeur, c'est quelque chose qu'elle ressent dans son cœur qui la pousse à adopter le meilleur comportement et qui l'amène à se retenir de tout ce qui peut être laid et mauvais comme comportement. Donc ça fait partie de la foi, c'est une branche de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que c'est quelque chose qui amène quelqu'un à faire le bien et à s'écarter du mal. Donc c'est quelque chose qui est louable, quelque chose qui est bien, qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on remarque maintenant à notre époque que beaucoup de gens, Allah al-musta'an, ils ont perdu la notion même de qu'est-ce que c'est al-haya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna mimma adraka al-nas min kalam al-nubuwati l'oula, idha lam tastahi, fasna' ma sha't. » Une des choses que les gens ont gardé ou ont reçu des premières prophéties, que si tu n'as pas de pudeur ou si tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux. Pour faire comprendre aux gens l'importance de la pudeur. Et maintenant c'est comme ça. C'est pas seulement dans la question du vêtement et de l'habillement la pudeur. La pudeur, c'est dans le comportement et dans la façon de parler, dans la façon d'agir. Dans tout. Pas seulement dans la façon de s'habiller. Mais la façon de s'habiller, ça rentre aussi dans ça. Donc, premièrement, c'est d'avoir de la pudeur, de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit à chaque instant. Et donc, on doit être gêné de lui en premier. Gêné qu'il nous voit dans un endroit où il nous a interdit d'être. Et qu'il entende des choses de notre part qu'il nous a interdit de dire. Ou des choses de ce genre. Ça, c'est en premier. Et puis ensuite, la timidité, la pudeur envers les créatures de faire en leur présence des choses qui sont honteuses ou qui sont laides ou qui sont mal vu, Donc ça c'est important. Il y en a qui disent moi je m'en fous de qu'est-ce que les gens pensent de moi. Ça c'est pas une mentalité normale de penser comme ça. Et en ici tu dis je me fous de ce que les gens pensent de moi quand je vais faire le bien, quand je vais ordonner le bien, quand je vais faire quelque chose de bon par rapport à ta religion que Allah t'a ordonné. Que tu n'as pas peur de ce que les gens vont penser de toi parce que tu obéis à Allah, tu le fais comme Allah t'a ordonné de le faire. Ça, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose de mal. Mais si tu dis j'ai pas, je me fous, ou bien ça m'est égal ce que les gens pensent de moi dans les choses qui sont haram ou dans des choses qui sont mauvaises, et tu penses que c'est pas le jugement des gens qui compte, ça c'est une erreur, parce que ça fait partie de la pudeur aussi. Ça fait partie aussi de la pudeur de se réserver même face aux créatures, pas seulement face à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la pudeur envers Allah c'est la base, mais par la suite aussi envers les créatures aussi c'est important. Et il y en a qui disent aussi parfois, il y en a aussi des gens qui disent il faut pas, comme si ça m'est égal le jugement des gens, en voulant dire que pour eux c'est pas correct que les gens jugent par l'apparence. Ça c'est pas nécessairement vrai de façon absolue, c'est-à-dire que le fait qu'on juge par l'apparence, ça c'est une chose qui est tout à fait normale. Et si les gens te jugent mal à cause de ton apparence qui est mauvaise, tu peux pas les blâmer. Tu peux les blâmer s'ils te jugent mal par rapport à quelque chose que tu fais de bien, et qu'ils te critiquent pour quelque chose que tu fais de bien, ou bien parce que tu respectes les règles de l'islam, les gens pensent du mal de toi à cause de ça, parce qu'eux sont des koufars puis ils n'aiment pas l'islam. Ça c'est une chose, ça c'est le jugement des koufars envers l'islam et les musulmans. Ça c'est, on le sait que c'est pas basé sur la justice et c'est pas basé sur la vérité. Mais le fait qu'un musulman par exemple qui contredit les règles de l'islam dans son apparence, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, puis par la suite il dit il faut pas juger par l'apparence, ça c'est une contradiction de qu'est-ce que l'islam nous enseigne. Ok, puis pour compléter, puis pour terminer ce point ou ce chapitre ou cette explication de l'introduction, le cheikh il dit que ensuite celui qui fait, ou celui qui a de la pudeur ou qui a de la timidité, mais que cette timidité elle l'empêche de faire le bien, ou bien elle l'empêche de chercher la science, ou elle l'empêche de poser des questions sur des choses qui l'embarrassent dans la religion, ou des choses qui sont problématiques pour lui dans la religion, ça c'est pas une forme de pudeur ou de timidité qui est louable, ça c'est blâmable, parce que c'est pas de la timidité. En fait, c'est comme si la personne, elle a peur. En fait, c'est une sorte de crainte ou de lâcheté ou de peur. Comme par exemple, quelqu'un qui a peur de poser des questions sur la purification ou sur les règles de la pureté par rapport au fait qu'il est gêné de poser des questions qui vont mentionner certaines choses sur les parties intimes, ou bien sur les rapports intimes, et que il est gêné de ça, et ça l'amène à s'abstenir de poser des questions dans sa religion. Ça c'est quelque chose qui est blâmable. La même chose, une femme qui ne voudra pas poser des questions par rapport sur les menstruations par exemple, ou bien sur les écoulements postnataux ou des choses comme ça, elle a peur de poser ce genre de questions parce que elle se dit, ça c'est des choses intimes, c'est des choses honteuses, je ne veux pas poser ce genre de questions. Donc ça c'est des choses qui sont blâmables, parce qu'il n'y a pas de timidité dans la religion. La haya afiddin. Et aussi, Aïcha radiallahu anha, elle a fait l'éloge des femmes des Ansar, en disant que leur timidité et leur pudeur ne les empêchent pas d'apprendre leur religion et de poser des questions dans leur religion. Donc, il faut ne pas avoir peur de poser des questions dans ce genre de choses. Ou bien, il ne faut pas que ta timidité t'empêche de faire le bien. Des fois, par exemple, quelqu'un il est timide devant les gens, il a peur de faire quelque chose de bien, il a dit « non, je suis timide, j'ai peur ». Ça, ce n'est pas quelque chose qui est louable. Ou bien de chercher la science, ou bien d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est timide. Qu'est-ce que gagner de parler devant les gens, que les gens vont te regarder. Ça aussi c'est blâmable. Il faut avoir du courage. Il faut être courageux. Il ne faut pas être lâche et peureux. Ensuite, le cheikh dit « Wa shu'ab al-iman kathira » كما عرفتم بدع وسبعون وقد كتب الإمام البيهقي مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان وله مختصر مطبوع ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله وهذا يدل على القول وقوله صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل ودل على أن الأعمال من الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان وهذا في القلب والحياء إنما يكون في القلب فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. Donc le cheikh il termine en disant que on a su que la foi et les branches de la foi sont nombreuses. On a mentionné qu'elles sont 70 et quelques. Et l'imam al-Bayhaqi il a un livre qui s'appelle Shu'ab al-Iman. C'est un livre qui mentionne les différentes branches de la foi avec les hadiths et tout. Et il y a un résumé de ce livre qui a été publié. En ce qui concerne les preuves des ulama pour dire que la foi elle est composée d'une parole de la langue, d'une croyance du cœur et d'une action du corps, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a lu depuis le début, qu'on a expliqué. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la plus haute partie de la plus haute branche de la foi c'est de dire la ilaha illallah, ça prouve que la parole fait partie de la foi. Que la foi c'est une parole. Lorsqu'il dit la plus basse branche de la foi c'est d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin, ça c'est la preuve que les actions font partie aussi de la foi. Et aussi, quand il dit que la pudeur, la timidité, c'est une des branches de la foi, ça c'est une action du cœur. Et donc ça c'est une preuve que l'action du cœur fait partie de la foi. Hein? Et donc ça c'est ce hadith-là réunit les trois éléments. Que la foi c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action du corps. Donc ça vient conclure qu'est-ce qu'on va expliquer, donc qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui, et au prochain cours on continuera inshallah demain la suite bi'ithnillah avec les cinq piliers de la foi avec une explication du Cheikh Al-Fawzan assez détaillée là-dessus inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.